Chapitre 9e. Chips renonça à son appartement plus spacieux de l'école pour reprendre l'ancien logement de garçon qu'il avait au début. Il avait d'abord songé à renoncer à son poste de professeur habitant l'école, mais le directeur l'avait persuadé de n'en rien faire et plus tard il s'en félicita. Cela lui donnait une occupation supplémentaire, remplissait le vide qu'il se sentait dans la tête et dans le cœur. Il n'était plus le même, tout le monde le remarquait. Si le mariage avait apporté un changement dans sa manière d'être, ses deuils en firent autant. Une fois passée la première stupeur de chagrin, il devint ce genre d'homme que les élèves, tout au moins, n'hésitent pas à qualifier de vieux. Ce n'était pas qu'il fût moins actif, il était encore capable de réussir sa demi-centaine sur le terrain de cricket. Ce n'était pas non plus qu'il s'intéressa moins à sa besogne ou il mit moins d'ardeur. En fait, ses cheveux grisonnaient depuis des années. Pourtant, c'était, semblait-il, la première fois qu'on s'en apercevait. Il avait 50 ans. Un jour, après une partie vigoureuse dans laquelle il avait joué aussi bien que beaucoup de gens n'ayant que la moitié de son âge, il surprit ce propos d'un élève. Pas trop mal pour un vieux bonhomme comme lui. Quand il eut 80 ans, Chips racontait l'anecdote en riant beaucoup. « Vieux à 50 ans, hein ? » C'est Naylor qui disait cela. Et actuellement, il ne peut pas avoir beaucoup moins de 50 ans. Je me demande s'il trouve toujours que c'est un si grand âge. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il exerçait la profession d'avocat et les gens de loi vivent longtemps. Regardez plutôt Halsbury, chancelier à 82 ans, et il est mort à 99. Ça, par exemple, c'est un âge trop vieux à 50 ans. Allons donc, les gaillards de cette trempe sont trop jeunes à 50 ans. Moi-même, je n'étais qu'un enfant, tout simplement. Et en un sens, c'était vrai. En effet, c'est avec le nouveau siècle que Chips acquit une maturité qui fondit harmonieusement en un tout ses petites manies grandissantes et ses plaisanteries si souvent répétées. Il ne lui arrivait plus d'avoir de loin en loin ses légères difficultés au sujet de la discipline, ou de manquer de confiance en son travail ou en son mérite personnel. Il estimait que la fierté que lui inspirait Brookfield, par un juste retour, lui permettait d'en éprouver pour lui-même et pour sa situation. Grâce à sa fonction, il était libre d'être lui-même de façon complète et absolue. Son ancienneté et son expérience lui avaient acquis tout un domaine de privilèges, un no man's land ne figurant pas sur les cartes. Il avait droit désormais à ces modestes excentricités dont sont si souvent atteints les professeurs et les pasteurs. Il portait sa robe jusqu'à ce qu'elle fût en lambeaux et prête à tomber en pièces, et quand il montait sur le banc de bois, près des marches du grand hall, pour faire l'appel, c'était avec l'air d'obéir à un rite mystique. Il tenait la liste de l'école, une longue feuille de papier s'enroulant sur une planchette, et chaque élève en passant disait son nom pour que Chips vérifiât et pointât sur la liste. Ce coup d'œil vérificateur fournissait à toute l'école une occasion facile et favorite de le singer de façon bouffonne, lunettes à monture d'acier glissant sur le nez, sourcils levés, l'un un peu plus haut que l'autre, regard mi-ravi, mi-railleur. Par les jours de vent, grande robe, cheveux blancs et lisses, voltigés en un désordre tumultueux. Le spectacle prenait l'allure d'un numéro comique, s'intercalant entre les jeux de l'après-midi et la rentrée en classe. Certains de ces noms, par petits fragments se détachant de l'ensemble, lui revenaient toujours dans la suite, sans qu'il eût à faire aucun effort de mémoire. Ainsworth, Atwood, Avonmore, Babcock, Bags, Barnard, Bassenthwaite, Baltersby, Beacles, Bedford, Marshall, Bentley, Best, ou cet autre. Hunsley, Bales, Wadham, Wagstaff, Wellington, Water Primus, Water Secondus, Watling, Waveney, Webb. Qu'étaient-ils tous devenus, se demandait-il souvent, ces fils qu'il avait autrefois tenus rassemblés? Jusqu'où s'étaient-ils écartés, les uns pour se briser, les autres pour former, en se tressant, des dessins inconnus? Les étranges hasards du monde le déconcertaient, ces hasards qui, tant que durerait l'univers, ne donnerait jamais un sens à ces groupements. Et derrière Brookfield, ainsi qu'on peut apercevoir une montagne derrière une autre, il voyait le monde des changements et des conflits, et il le voyait, plus qu'il ne s'en rendait compte, par les yeux de Cathy, dont il gardait le souvenir. Elle n'avait pas pu lui léguer toute son intelligence et encore moins le brillant de son esprit, mais elle lui avait laissé, en le quittant, un calme, un équilibre qui s'accordait très bien avec ses émotions intimes. C'était un de ses traits caractéristiques de ne pas partager l'animosité jingo, chauvin, général contre les bourgs. Non qu'il fût pro-bourg, Il était bien trop traditionnaliste pour cela, et il détestait la catégorie des gens qu'il était. Mais pourtant, l'idée, par moments, lui traversait l'esprit que les bourgs soutenaient une lutte qui ressemblait étrangement à celle de certains héros des livres d'histoire sur l'Angleterre, Hereward Owaig, par exemple, ou Caractacus. Il essaya une fois de choquer ses élèves de cinquième en leur suggérant cette idée, mais ils pensèrent simplement que c'était une de ses petites plaisanteries. Si hérétique qu'il peut être sur la question des bourgs, il était orthodoxe en ce qui touchait Lloyd George et son fameux budget. Il ne lui plaisait ni l'un ni l'autre. Lorsque, pas mal d'années plus tard, Lloyd George vint en qualité d'hôte d'honneur à la journée de joute oratoire de Brookfield, Chips, lorsqu'on le présenta au fameux homme politique, lui dit « Monsieur Lloyd George, je suis presque assez vieux pour me souvenir de vous, jeune homme, et je reconnais que vous me paraissez avoir fait des progrès, beaucoup de progrès. » Le directeur qui était à côté d'eux fut plutôt effaré, mais Lloyd George se mit à rire de tout son cœur et pendant la réception qui suivit, il causa plus avec Chips qu'avec personne.